d'arriver. La la la la. Good afternoon, Toronto. You're listening to Sous Pression here on CHRY 105.5 FM. I got some great stuff lined up for you. I got some French punk, ska, and hardcore until the end of the hour. I got some stuff by some bands that whose CDs I recently picked up. It's not necessarily new stuff, but it's new to me. I got some stuff from an Oi band called Scab Coma from Quebec, and a band called Les Guinées, who I believe are from Montreal. It's going to be a great show, so stay tuned. C'était du Larcin avec leur chanson Larcin, tirée de leur démo sortie l'année passée en 2011. Ici à Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone. Moi, je m'appelle Mathieu, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Mathieu. Vous écoutez bien sûr Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je fais jouer du punk, ska et du hardcore tout en français jusqu'à la fin de l'heure. On commence avec Larcin, comme je viens de dire. Je me répète, là. Larcin est un groupe français de Lille, alors une ville dans le nord de la France, une belle ville, j'ai déjà eu la chance de visiter. Et on va continuer maintenant avec d'autres musiques. Qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? C'est un groupe dont le, je me suis acheté le démo en fin de semaine. Il y a eu un salon du livre anarchiste à Toronto la fin de semaine passée, qui vient juste de passer. Et j'ai eu la chance de me pogner un démo d'un groupe, je crois qu'il vient de Québec, le groupe Scab Coma. C'est du Oi, c'est un démo de 3 titres sorti l'année passée. Je vous fais jouer un morceau de leur démo présentement, là, bientôt, là, juste une fois que j'ai fini de parler. Mais j'ai aussi d'autres nouveaux matériels pour vous. Je mets nouveau en guillemets parce que c'est nouveau pour moi. Je me stationne 2 albums d'un groupe, je crois qu'ils viennent de Montréal, le groupe Les Guenilles. C'est un peu comme du punk avec un côté hardcore, criard, je sais pas comment définir ça, mais en tout cas, c'est bon. Et je pense que c'est pas mal tout pour les nouveautés que je vous fasse jouer cette semaine. J'ai quand même une bonne émission pour vous de préparer, alors restez en onde. Mais en attendant, je vous fais jouer du Scab Coma, la première chanson de leur démo, la chanson Vengeance. Alors voici du Scab Coma ici à Suppression. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHLY 105.5 FM à Toronto. Et si vous nous écoutez à Yellowknife, vous nous écoutez à partir du CIVR 103.5 FM. Moi, je m'appelle Mathieu, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je fais jouer du punk, du ska, du hardcore jusqu'à la fin de l'heure. Du punk, du ska, du hardcore en français, bien sûr. Dans le dernier bloc, on a écouté du Marabout. Tu viens d'écouter du Marabout, sa chanson À genoux, tirée de leur EP éponyme, sortie l'année passée sur le label Une vie pour rien. Une vie pour rien, il faut le sortir. Il faut quand même sortir beaucoup de bons stocks. Ça vaut la peine d'aller visiter leur site web, voir si vous pouvez vous commander de les disques et les CD qu'ils vendent sur leur site. Avant ça, c'était Les Esclaves Salariés, la chanson Home Sweet Home, leur album Ça augure mal. Et on a tout commencé avec Scab Coma. La chanson Vengeance de leur démo sortie l'année passée. Alors, Scab Coma, un groupe de Oid qui proviennent de Québec, si je ne me trompe pas. Je me suis acheté leur démo cette fin de semaine pendant le Salon du Livre Anarchiste ici à Toronto. C'était un événement quand même bien réussi. Je suis juste allé, c'est un événement de deux jours. Je suis juste allé un jour, le samedi. Puis, j'ai visité un peu les tables, voir ce qu'il y a du monde qui vendait des zines, des livres, des CD, bien sûr, des t-shirts. Et j'ai eu la chance de rencontrer des amis que ça fait longtemps. Que j'ai vu, puis aussi de rencontrer des nouveaux amis. Je vais parler un peu de ça un peu plus tantôt. Un peu plus tard, c'est-à-dire, mais en parlant de nouveau matériel, je me suis acheté deux CD d'un groupe, je crois qu'ils viennent de Montréal. Le groupe s'appelle Les Guenilles. Et je me suis acheté leur CD à partir de leur site web Bandcamp. J'ai reçu ça en ligne, alors j'ai pu les acheter les deux en même temps. Je me suis acheté deux de leur plus récent album, un album qui est sorti l'année passée qui s'appelle De Marde et l'autre en 2010 qui s'appelle Aucun album. Visitez leur site Bandcamp, ça vaut la peine. Je crois que c'est legane.bandcamp.com. Vous pouvez acheter leurs albums à partir du site web. Si vous payez ce que vous voulez payer, c'est à prix libre. Alors, c'est ce qui est, selon moi, un système magnifique. J'ai genre envoyé une couple de pièces. Puis c'est ça, les albums sont bons. C'est un peu un groupe côté un hardcore, screamo un peu. Mais c'est quand même, c'est pas pire. Je vous fais jouer une chanson de leur plus récent album, la chanson De Marde, sortie de l'année passée, la chanson Trenchcoat scolaire. Alors voici les Guinées à sous pression. We'll be right back. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Sous Pression. On vient d'écouter du Civil Aggression de leur album éponyme, la chanson Religion. Avant ça, c'est du Flocon Givré avec Emo Seigneur de leur album Veggis, Veggis, Reveggis. Avant, du Barbie Génocide, avant ça avec Fascisme, du Saccage avec Amélis, Antipolis, Calis. Et on a tout commencé avec Les Guénés de leur album De Marde, la chanson Trenchcoat Scolaire, ici à Sous Pression. Alors, on est rendu plus ou moins à mi-chemin de l'émission, étant que vers ça aussi, je vous rappelle souvent que, Il est temps que je vous rappelle que l'émission a un site web, c'est le souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Si jamais vous manquez une émission ou vous l'écoutez une semaine et vous l'aimez tellement que vous voulez la réécouter, vous pouvez faire ça à partir du site web. Vous pouvez aussi télécharger les émissions et les mettre dans votre iPod, le mettre sur, le graver sur un CD, l'amener avec vous quand vous conduisez, vous sortez de la ville en voiture, vous voulez écouter du Souspression, vous pouvez graver ça sur un CD et l'écouter avec, et l'amener avec vous. On a aussi une présence sur Facebook, c'est facebook.com/Souspression. Alors facebook.com/Souspression, vous pouvez vous tenir à jour avec ce qui se passe de l'émission et aussi les nouvelles du monde du punk, du ska, du hardcore francophone. Et on a une adresse courriel. Vous pouvez nous contacter au souspression@chry.fm, souspression@chry.fm. Si vous avez des commentaires, des demandes spéciales, des plaintes, ou si vous faites partie d'un groupe et vous voulez partager votre musique, vous pouvez nous contacter à partir de cette adresse-là. Alors, en parlant de... un peu plus tôt dans l'émission, je parlais du Salon du livre anarchiste à Toronto auquel j'ai assisté la fin de semaine passée. Je me suis pogné le CD de Scab Coma, leur démo, que j'ai fait jouer plus tôt dans l'émission. Mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer des membres du groupe Action Sédition. C'est un groupe de Montréal, si je ne me trompe pas, qui était venu faire un tour à Toronto pour... Pour assister au Salon du Livre, ils n'ont pas fait de show, c'était juste des membres que j'ai rencontrés par hasard. C'était un peu une drôle d'histoire, genre, j'en parlais de groupe de Montréal, de la scène, et puis de la musique. J'avais demandé s'ils connaissaient le groupe Action Sédition, parce que c'est un groupe que je suis un peu sur Facebook. Il y a un site sur Facebook, je crois que c'est facebook.com/Action Sédition. Mais ils n'ont pas encore d'enregistrement, alors je les ai jamais entendus, mais ils ont souvent fait des shows avec des groupes comme La Gâchette, tout ça. Et alors j'aurais demandé s'ils connaissaient le groupe, puis comme par hasard, si je parlais avec des membres du groupe, je savais pas. Mais en tout cas, ils avaient l'air d'être très sympathiques, et on dit qu'ils pensaient peut-être un jour enregistrer de quoi. Alors si oui, ce serait fantastique, on attend ça avec impatience. Mais ils m'ont aussi donné des nouvelles concernant deux de leurs prochains shows. Alors je vais vous donner des détails. Si jamais vous vous trouvez à Montréal le 7 juillet ou le 28 juillet, vous pouvez aller les checker. Le 7 juillet, ils vont jouer à un concert. Ça a l'air un concert assez cool. Ils vont réparer Bellum, le groupe de punk classique de la France. Les Ordures Ioniques se sont reformés, alors un groupe de punk classique du Québec. La Gâchette, les Horny Bitches et bien sûr Action Sédition qui vont tous jouer le 7 juillet au Petit Campus. C'est à 20h, c'est 13$. Et si vous êtes à Montréal le 28 juillet, allez voir La Gâchette, The Alienation, Sociopath et bien sûr Action Sédition. C'est à 21h, c'est au Death House. Allez voir le site Facebook d'Action Sédition pour plus d'infos. C'est facebook.com/Action Sédition, si je ne me trompe pas. Sinon, faites une petite recherche sur Facebook, vous devrez être capable de trouver ça. Alors, si vous êtes à Montréal le 7 juillet ou le 28 juillet, allez-y. Je vous encourage très fortement d'aller checker ça. Et si vous y allez, donnez-moi un petit rapport. Envoyez-moi un courriel sous pression à commercial.chry.fm. J'ai jamais fait ça, des petits rapports de concert ici à l'émission, mais ça serait pas mal cool à faire. En tout cas, pour marquer, en parlant de show, leur show le 7 juillet, qui a l'air assez spécial, par Abella, Modurianic, La Gâchette... Action Sédition. Ça va être un show assez court, alors j'ai décidé de faire jouer des chansons par trois des cinq groupes qui vont jouer. Je vais faire jouer une chanson par Parabellum, suite des Ordures Ioniques et La Gâchette. Et aussi au Salon du Livre, je me suis acheté un livre à propos de la Makhnovchina, alors la révolution anarchiste qui a eu lieu en Ukraine pendant la révolution russe. Et pour parce qu'on rentre dans le thème de choses que j'ai rencontré pendant le Salon du Livre, je vais faire jouer la chanson Makhnovchina par Beru un peu plus tard dans l'émission. Alors voici Parabellum avec la chanson Il est au Amsterdam ici à Souspression. We'll be right back.

Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CH avec Grec 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées avant de vous faire jouer une dernière chanson. Alors, on a écouté du Barabellum, la chanson Ilo Amsterdam. On a commencé le dernier bloc avec ça. La Gâchette avec Gardez vos munitions, suivi par L'Or juste par Les Ordures Ioniques, les trois groupes-là qui seront à Montréal le 7 juillet prochain. Avec Action Sédition aussi. Après ça, c'était du Berrure et Noir, la chanson McNovchina, la chanson qui apparaît sur le split qu'ils ont fait avec Anne Brigade, mais aussi sur leur album Enfoncer le Clown. J'aurais voulu après ça avec Kamikaze, après ça Death or Glory avec Talk About You, leur démo de 2010. Death or Glory composé dans ses membres de Scott's and Panic People. Et on vient la fraction après ça avec J'irai le chercher et on vient d'écouter Ayoka avec Le Bel Espoir. Alors je vous laisse avec une dernière chanson par l'équipe, le groupe qui a vu qui a cessé d'exister au mois d'avril dernier, on fait leur dernier concert. Cette chanson-ci est tirée de leur démo sortie en 2010, c'est la chanson Je ne. Alors tirée bien sûr de leur démo 2010. Alors voici l'équipe. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye. Ce soir, oh non, je ne voulais pas te voir, non. Je reste avec.